savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 40. Thérèse et moi, nous partons demain pour Paris. Faire plaisir à Thérèse, sans doute. Quand moi, ta mère, j'ai des vertiges. Et que mes vieilles jambes vont de plus en plus mal. C'est qui nous doit tout. Ça ne me regarde pas, remarque. Je te trouve trop indulgent avec elle. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions sont plus différentes. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Depuis que j'ai annoncé la semaine dernière que cette émission serait consacrée à la figure de la belle-mère au XIXe siècle et ensuite, j'ai recueilli quelques réactions ironiques. Eh bien, j'affirme que les goguenards ont tort. Non seulement parce qu'ils minimisent l'intérêt du sujet, celui-là, il nous reste à le démontrer, mais surtout parce qu'ils me paraissent se laisser abuser par le registre du comique, par le flux des caricatures, parfois spirituelles et souvent sinistres, qui n'a guère cessé de submerger cette position familiale et sociale. De cette dépréciation témoignent surabondamment la petite presse, les chansons, les romans de gare, et parfois la grande littérature, les cartes postales dès lors qu'elles ont fait florès, et aussi plus récemment, tout un cinéma populaire. Mais dès lors que l'on s'interroge sur ce regard largement négatif et qu'on cherche à l'expliquer, on s'aperçoit qu'il peut conduire à des considérations bien plus sérieuses sur la situation dominée des femmes longtemps dans la société et sur l'évolution de la famille de génération en génération. C'est ce que démontre Yannick Ripa, mon invité ce matin. Yannick Ripa est professeur d'histoire politique et sociale de l'Europe du XIXe siècle à l'université Paris 8 Vincennes, spécialiste du genre, selon la formule provenant des États-Unis et désormais consacré. Elle vient d'organiser un livre à plusieurs voix intitulé « L'étonnante histoire des belles-mères ». Elle y démontre, avec brio, que par-delà la multiplicité des chroniques singulières, des spécificités individuelles, se tisse une évolution dont la portée dépasse de beaucoup la paresse des ricanements comme celle des indifférences. Tu me demandes pourquoi je suis triste. Ma belle-mère est rendue à la maison. Elle est off et rien ne lui résiste. Quand elle parle, elle a toujours raison. Si t'étais pas mou comme une chique, elle se mettrait pas le nez dans tes chaudrons. À ta place, je prendrais une brique, j'y en donnerais 5-6 coups sur le citron. On voit que tu connais pas ma belle-mère, elle ne fait pas rien qu'à la regarder. Elle a de l'air d'une vieille sorcière, on dirait d'une vieille fille enragée. Puisqu'elle a si mauvais caractère, si t'avais pas de l'air aussi tatin, j'aurais dit mille fois dans de tes affaires, j'aurais montré de quel point tu chaussais. Comme c'était hier sa fête, elle m'a demandé pour l'embrasser. Comme elle prise et qu'elle sent la vieille pipe, j'ai manqué de mourir empoisonné. Veux-tu que je te donne la manière, si tu veux bien t'en débarrasser. Mais dis donc une bonne pilule dans sa théière, elle viendrait plus jamais t'achaler. Trollelai, dieu, trollelai. Yannick Ripa, bonjour. Bonjour. La Bolduc vient de chanter. La Bolduc, c'est une chanteuse québécoise connue dans les années 30, dans l'entre-deux-guerres. La Bolduc vient de chanter en 1929 « Gendre et belle-mère ». Gendre et belle-mère, j'ai souhaité vous conduire tout droit au centre de la problématique de ce matin. Absolument, parce que cette chanson véhicule tous les clichés bien connus sur la belle-mère, donc la construction d'une identité qui, à l'évidence, n'est pourtant pas la sienne, parce qu'il n'existe pas par nature une belle-mère, et qu'il est curieux d'avoir vu des éléments familiaux être mis dans une catégorie quasiment naturelle, ou du moins sociale. Et dans cette chanson, on voit que la belle-mère à par nature, physiologiquement, quasiment. Ontologiquement. Voilà, et ontologiquement, des défauts, y compris, elle sent la vieille vie, que c'est une vieille sorcière, toutes ces injures qui sont accolées à ce personnage. Elle est capable à la fois d'empoisonner par sa seule présence la vie du couple, puisqu'elle arrive dans la maison, et d'empoisonner le gendre, au sens le plus fort du terme, quand elle l'embrasse, d'où l'appel au meurtre, ce qui n'est quand même pas rien. Oui, parce que le poison arrive dans l'autre sens. Suggestion voilà. De mettre une pilule dans la théière, on a déjà la violence extrême que nous allons trouver parfois en étudiant cette évolution de l'histoire de la belle-mère dans les sociétés contemporaines. Vous la trouvez même dans les cartes postales, y compris des cartes postales actuelles. Vous savez, ces cartes postales que l'on peut trouver d'un goût douteux, enfin du moins c'est mon avis. Le goût douteux, nous le trouvons souvent. Qui montre, pendant les vacances, le gendre qui envoie à un copain une carte postale, il est au bord de mer avec sa belle-mère, et la carte postale suggère de noyer la belle-mère, de même que d'un point de vue topographique, on a des lieux à travers toute la France qui n'ont pas été débaptisés et qui s'appellent le gouffre de la belle-mère, le rue de la belle-mère, et ce sont des noms qui suggèrent tous que c'est un endroit propice pour faire glisser sa belle-mère dans le trou et qu'en fait, elle disparaisse. On a à chaque fois quand même des appels au meurtre d'une extrême violence qui a été totalement banalisée jusque même dans les chansons. Eh bien, cette violence, nous allons, je crois, la retrouver continuellement au long de cette histoire. Je précise en commençant que quand on parle de belle-mère, on n'entend pas la marâtre, on n'entend pas la seconde femme du père. La plupart des pays étrangers ont d'ailleurs deux mots pour exprimer cette double situation, stepmother ou mother-in-law, par exemple, en anglais. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en France, c'est le même mot qui pose doublement la question, puisque très souvent, il y a une confusion avec marâtre, et le mot marâtre montre bien qu'il est totalement négatif et qu'il correspond à une donnée démographique du temps où les femmes mouraient malheureusement énormément en couches et qu'un homme pouvait difficilement élever seul ses enfants. Donc les remariages étaient fréquents. Et cette figure de la marâtre, du coup, c'est un peu estompée. Les familles recomposées, personne n'appellera plus sa belle-mère marâtre, sauf quand peut-être de la part des enfants qui ont lu les contes que lorsque ça se passe pas très bien avec leur belle-mère. On constate, cela mérite aussi réflexion, me semble-t-il, en tout cas cela apparaît dans votre livre, que les relations entre la mère de l'épouse et le gendre posent plus de problèmes, sont plus souvent traitées que les relations difficiles, souvent entre la mère et la bru. Oui. Il y a là un déséquilibre. D'ailleurs, il y a un autre déséquilibre qu'il faut, je crois, signaler sans s'arrêter longuement dessus. C'est l'absence du beau-père. Ça pose quand même un problème. Toutes ces femmes ne sont pas veuves. Et je pense que l'absence du beau-père est liée au fait que être beau-père, ce n'est pas une identité pour un homme. Dans des sociétés qui sont régies par le système patriarcal et donc la domination masculine, l'homme existe en soi, on le sait depuis l'enfance, il est appelé monsieur, et il n'a pas besoin de cette identité-là pour exister. On ne pourrait pas concevoir de faire une émission sur les beaux-pères, en effet. Là, on ne trouverait rien à dire, mais c'est un creux qui est significatif en même temps. Par contre, les belles-mères ont besoin de cette identité pour continuer à exister, surtout à une époque où la femme n'existe en tant qu'épouse et mère. Donc quand elle cesse d'être mère, si elle veut continuer à exister socialement, il faut qu'elle pose qu'elle est belle-mère et qu'elle ait un pouvoir de belle-mère. Et pour répondre à votre remarque, pourquoi voit-on une opposition davantage entre le gendre et la belle-mère, c'est-à-dire la mère de sa femme, que l'inverse? Je crois qu'il faut nuancer les choses de façon chronologique. C'est-à-dire que cette opposition-là, elle existe surtout à partir de l'époque contemporaine, quand nous passons de familles élargies à des familles nucléaires où l'homme réclame l'intimité de ce que le 19e siècle a appelé le sweet home et que la belle-mère ne trouve plus sa place, est un entrot. Alors que dans les temps précédents, lorsque la famille est élargie, qui plus est dans des sociétés antiques comme la Mésopotamie ou dans l'Empire ottoman, l'épouse est elle qui vient après le mari et sa mère. Et du coup, l'opposition sera davantage entre la belle-mère et sa bru que dans la position inverse. Parce que le pouvoir dominant est vraiment le pouvoir masculin. Et quand l'homme est absent, il délègue à sa propre mère une partie de son pouvoir. En quelque sorte, il lui dit de surveiller son épouse ou bien de faire le lien, et on le voit très bien en Mésopotamie, où la mère de l'époux est donc la seule à pouvoir aller discuter, s'intégrer dans le camp masculin, et elle a là un pouvoir énorme dans la famille, ce qui ne sera plus le cas du tout dans les temps contemporains. Je vais vous faire entendre un extrait de film qui présente une situation un peu différente, puisque on voit une complicité terrifiante s'organiser entre la mère et sa fille. La mère est jouée par Jeanne Marquen et la fille par Simone Signoret, contre le gendre, qui est un moi faible, joué, ça ne vous étonnera pas, par Bernard Blier, un film d'Yves Allégret, qui a eu un grand succès au mi-temps du XXe siècle, qui s'appelait Manège. Le morceau que j'ai choisi se situe au moment où la fille Simone Signoret, ayant été blessée, se trouve sur un lit d'hôpital. Et du coup, la mère Jeanne Marquen se sent libre de dire la vérité à son gendre, c'est-à-dire que on l'a très maltraité. Tu veux que... Me dire quoi? Elle a plus rien à perdre à présent. Elle veut se payer ça. Qu'est-ce que... Ah, vous allez en entendre de belles. De celles que vous méritez. Vous croyez qu'elle vous aime, hein? Vous l'avez toujours cru? Eh ben, c'est pas vrai. On s'est foutu de vous, du début, toutes les deux. On était dans le sale drap, fallait qu'on s'en sorte, alors on vous a repéré. Oh, on n'a pas eu de mal à vous accrocher, mais il était temps. On commençait à la sauter. Et vous, vous avez marché sans rien voir, comme un idiot. Ce qu'on rigolait toutes les deux. Non, mais ce qu'on pouvait rigoler. Je me détestais tant que ça. Vous détestez? Mais à ce moment-là, elle n'avait pas de raison, vous aviez de l'argent. Et elle avait vu pire. Pauvre petite. Heureusement qu'elle m'avait. Je la remontais. Elle me racontait toujours tout. Tout ce qui se passait entre vous. Même les petits détails. J'étais une copine pour elle. Je savais tout de votre petit ménage. De ce qu'elle faisait. Tout, je vous dis. De ce que vous lui disiez. Vos petits mots. Vous parliez de violence, Yannick Ripa, eh bien, je crois qu'elle n'est pas absente de cette archive que je viens de vous faire entendre. Oui, c'est un film qui a eu un immense succès et qui est très pertinemment analysé par Delphine Cheladeux dans cet ouvrage sur les bonnes mères, parce que, à la fois, comme le montre cet extrait, on est en présence d'une forme d'inversion des dominations, puisque là, il y a la domination de deux femmes sur un homme. Et en même temps, est-ce que cet homme est vraiment un homme? On voit que le personnage du mari, remarquablement bien interprété, est en fait complètement dévirilisé, qu'il est du côté de l'affect, il a agi uniquement par amour et désespérément. Il dit « mais alors elle me haïssait », ce qui est l'inverse évidemment de la posture amoureuse. Cette dévirilisation est faite par deux femmes et on est là face à la mise à l'écran d'un fantasme qui est souvent véhiculé par ce que le 19e siècle appelle la triple alliance, c'est-à-dire cette espèce de trio infernal où les trois composants bougent. Une fois, il s'agit du gendre qui maltraite sa belle-mère ou de la belle-mère qui maltraite la bru. Et là, il y a une alliance entre les deux femmes que l'on retrouve dans nombre de chansons aussi plutôt de l'entre-deux-guerres et qui est vraiment l'idée que deux femmes sont contre un homme et que ces deux femmes portent la culotte, selon l'expression populaire, et qu'elles vont exclure l'homme de sa domination, et donc elles sont à deux castratrices au sens freudien du terme. Et cela se fait effectivement dans une très grande violence, mais qui aboutit moins souvent à la mort de l'homme que dans le cas inverse. Mais ce qui est continue, ce qui court comme un fil rouge à travers cette histoire, c'est cette angoisse de la dévirilisation. Elle ne remonte pas seulement à la moitié du XXe siècle, elle est bien antérieure. Elle est antérieure et en même temps, dans les temps plus anciens, c'est plutôt une façon de nuancer la domination masculine plutôt qu'une véritable dévirilisation. C'est-à-dire que la belle-mère, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'elle est la mère de l'homme, prend une once du pouvoir masculin. Par contre, on voit dans les temps modernes, au moment de la Révolution française où la famille et l'ordre patriarcal sont malmenés, eh bien, on voit des alliances entre des belles-mères et leurs gendres parce qu'ils ont un objectif commun et éminemment social et que les différences d'âge dans les mariages font aussi souvent, et ça peut être éventuellement le cas aussi dans les temps antiques, que la belle-mère appartient quasiment à la même génération que le gendre, alors que la belle-fille est une toute jeune fille qui a souvent été mariée par décision de ses propres parents et du gendre, et que l'amour a rien à voir là-dedans. Nous allons voir cela de plus près tout à l'heure, mais auparavant, puisque vous évoquez les temps anciens, et en particulier Sumer, la Mésopotamie, j'aimerais, Yannick Ripa, que vous nous en disiez un mot, parce que dans cet ouvrage que vous avez organisé l'étonnante histoire des belles-mères. Il y a un chapitre très intéressant sur Sumer, sur Akkad, c'est-à-dire sur une civilisation qui remonte à une période qui va du 3e au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Il y a des conseils de sagesse sur les relations entre la mère et sa fille ou la mère et son fils mariés, qui sont très actuels, en somme. Vous allez nous le démontrer, j'imagine. Tout à fait actuel. Francis Johannes, qui a rédigé ce chapitre, qui est un très grand spécialiste de la Mésopotamie, a choisi d'intituler son chapitre « Comme tu traites ta belle-mère, tes belles-filles te traiteront ». Et s'il n'avait pas indiqué en sous-titre qu'il s'agit d'un conseil de sagesse babylonien du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, on aurait pu croire que c'était un conseil actuel. Voilà une belle concordance des temps, vous en conviendrez. Absolument, c'est formidable. Et en même temps, cela permet bien de constater que à travers les temps, il y a un vrai problème relationnel, social, économique, voire politique, parce qu'il s'agit aussi souvent, notamment dans les régences, d'un problème politique. Et Francis Johannes nous montre que la belle-mère, qui pourtant est là pour accueillir sa belle-fille, elle doit l'accueillir comme le ferait une mère, c'est-à-dire l'intégrer à l'intérieur de la nouvelle famille, pas seulement au niveau économique, social et dans les rôles qui sera le rôle de mère de sa belle-fille, mais aussi dans la dimension aussi affective. On suppose que tout devrait se passer dans le meilleur des mondes possibles. Francis Johannes montre qu'il n'en est rien, parce que là aussi, ce qui est important, c'est le pouvoir à l'intérieur de la famille, dans des sociétés où la cellule familiale joue un rôle fondamental depuis le plus bas de la société jusqu'au sommet. Et que, de ce fait, la belle-fille peut avoir envie de s'imposer alors qu'elle est censée être en dessous de sa belle-mère. Et du coup, les relations deviennent extrêmement tendues, d'où la phrase « comme tu traites ta belle-mère, tes belles-filles te traiteront ». Puisque nous sommes dans l'Antiquité, Yannick Ripa, je voudrais que nous évoquions aussi un cas qui est fort différent, qui remonte à l'Ancien Testament. Je veux dire le livre de Ruth. Un chapitre de votre livre est consacré à Ruth et à sa mère, Noémie, par Marie-Joseph Bonnet, très éclairant et qui fait contraste avec cette sorte de permanence des conflits que vous évoquez d'une très longue antiquité jusqu'aujourd'hui. C'est différent. Oui, quand on voit le poids du religieux sur nos sociétés, la figure négative d'Ève et de Marie-Madeleine, on est sidéré par la lecture que Marie-Joseph Bonnet fait du livre de Ruth, et elle a eu l'audace et la pertinence de, voire l'impertinence d'ailleurs, d'intituler ce chapitre Ruth, mère porteuse de sa belle-mère Noémie. Expliquez-nous ça. Noémie avait deux fils qui décèdent tous les deux, donc deux belles filles qui n'appartenaient pas à la même tribu. Et des Moabites, comme nous le savons, voilà. Par Victor Hugo. Ruth, exactement. Une Moabite à propos de Boze, naturellement, mais on va y venir. Et c'est vrai que le livre de Boze est ce qu'il y a de plus connu dans cette histoire, et sans doute pas seulement grâce à Victor Hugo. À la mort de ses fils, l'une de ses belles filles décide de rentrer dans son pays et Ruth décide de rester avec sa belle-mère dans une solidarité entre les deux qui, déjà, n'est pas anodine et même exceptionnelle. Elle lui fait d'ailleurs cette magnifique déclaration de fidélité. La source, c'est le livre de Ruth 1:16-18. Cette magnifique déclaration de fidélité, où tu iras, j'irai, je rappelle qu'elle parle à sa belle-mère, après la mort de son mari, fils de celle-ci, où tu iras, j'irai, où tu logeras, je logerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, et là, je serai enseveli. Qu'ainsi me fasse Yahvé, et pis encore, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. C'est une très belle déclaration à la fois d'amour et en même temps, c'est une déclaration qui va bousculer la filiation par les hommes, puisque nous n'avons plus d'hommes dans cette situation, et que la tradition voudrait que Noémie puisse donner le jour en étant un enfant, en se remariant avec un membre de la tribu, ce qui ne peut pas être fait. C'est trop tard pour elle. C'est trop tard pour elle, puisque, en clair, elle est ménopausée, elle est beaucoup trop vieille pour avoir un enfant. C'est donc sa belle-fille qui va se substituer à cette fonction, qui va porter l'enfant qui aurait dû être l'enfant de Noémie et qui est donc l'enfant de Ruth, mais d'où ce titre de mère porteuse, parce que en réalité la Bible dit clairement qu'il y a une mère biologique et qu'il y a une mère sociale, et que la mère sociale va être Noémie, et que le système patriarcal est en réalité bousculé, puisque l'enfant qu'elle porte va permettre la descendance biblique, dévoilée par conséquent que ce système qui est soi-disant uniquement passé par les hommes, non, est aussi passé par l'amour entre deux femmes. Et c'est Boze qui est le père. C'est Boze, bien sûr, qui est le père. Comment se pourrait-il que de moi, ceci vint, le chiffre de mes ans a passé 80, etc. Toujours Victor Hugo. Ce qui est aussi intéressant dans la lecture que donne Marie-Joseph Bonnet, c'est qu'elle montre que la Bible véhicule tous les possibles par le biais de l'amour et de l'ouverture à l'autre. Donc c'est pas simplement une lecture qu'on pourrait qualifier de lesbienne, de cet amour lesbien, c'est aussi une lecture symbolique comme quoi l'autre peut être intégré dans l'amour et que tout est possible avec l'amour, malgré les différences. Et c'est un merveilleux message de tolérance et d'ouverture au monde qui est bienvenu, si j'ose dire, par les temps qui courent. Soit, Yannick Ripa, absolument. Et on voit cela très bien dans la succession des représentations iconographiques, des traductions artistiques de l'épisode de Noémie et de Ruth. Il y a dans le livre plusieurs reproduction, au début, une sorte de malaise, beaucoup de non-dits, jusqu'aux représentations du XXe siècle, dans un milieu précisément lesbien, qui tourne autour de Nathalie Barnet. Oui, Nathalie Barnet est féministe, elle a un salon où dominent des figures lesbiennes, intellectuelles, artistiques, au début des années 20. Rue Jacob, un très bel endroit qui a été ensuite acquis par Michel Debré. Oui, ce qui ne manque pas d'être assez amusant dans les relations entre ces deux personnages. C'est Shana Orloff qui a sculpté un bas-relief, d'abord de son hôtesse dans les années 1920, et qui va s'intéresser à ce couple, et elle va le représenter dans différentes postures, notamment dans un bronze de 1928, où on voit là vraiment les deux corps des femmes femmes entrelacées. Et ce qui se dégage, c'est la figure amoureuse de ces deux femmes, figure qui est aussi très bien montrée par Chagall, qui donne à une dimension autre à cette histoire dans l'ordre du sacré. Revenons-en à ce 19e siècle qui a vu prospérer un ensemble de vocabulaire d'une grande violence envers la belle-mère, intitulée souvent le phylloxéra du foyer. Je dis le 19e siècle, mais on pourrait remonter jusqu'à Bossuet, puisque dans l'oraison funèbre de Marie-Thérèse d'Autriche, en 1669, il écrit, ou plutôt il dit, « La reine, sa belle-mère, belle-mère de Marie-Thérèse d'Autriche, malgré ce nom odieux, trouva en elle-même non seulement un respect, mais encore une tendresse que ni le temps ni l'éloignement n'ont pu altérer. » Surprise de Bossuet à voir que pour une fois, la belle-mère et sa bru peuvent bien s'entendre. Or, c'est très rare dans l'esprit des contemporains du XIXe siècle. La belle-mère se singularise par la noirceur de son âme, épargnée par aucun défaut, médisance, jalousie, vilainie, fourberie, suffisance, avarice, perversité, n'en jetez plus. Si vous tapez aujourd'hui sur Internet ces mots, c'est la belle-mère qui apparaît toujours. Ce qui est quand même assez incroyable à notre époque. Stupéfiante permanence. Oui. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu l'idée de faire cet ouvrage, c'est que je suis tombée un jour complètement par hasard sur les cartes postales de Bonne Année avec un cadeau à donner à sa belle-mère qui est le coussin de belle-mère qui est en fait un cactus rond. Les jardiniers continuent de l'appeler comme cela, de même que vous avez un petit gâteau qui s'appelle la langue de belle-mère qui est un gâteau tout en longueur parce que les belles-mères sont médisantes et on aurait donc une grande langue et tout ceci continue aussi d'être véhiculé par les humoristes d'aujourd'hui qui en font leur chou gras ou leur fonds de commerce ou tout un théâtre actuel de boulevard. Mais pour revenir au 19e siècle, ce 19e siècle passe vraiment du stéréotype à l'archétype, avec sans doute aidé par la mode des cartes postales fantasy. Là, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Voilà. Aidé aussi par le passage à des familles nucléaires où la belle-mère est en trop. Et on voit des personnages et notamment une certaine Séraphine Eulalie Lombardo. C'est effrayant celle-là. Qui a une tête épouvantable, qui a à la main un grand couteau pour assassiner son gendre et qui va par deux fois être l'objet d'un numéro du fameux trombinoscope de Touche-à-Tout. Et c'est le seul cas où Touche-à-Tout va refaire deux couvertures avec un personnage, alors qu'à d'habitude, d'ailleurs, il s'intéresse soit à des politiques, soit à des allégories comme la République et la belle-mère. Et donc, apparaît comme un véritable personnage qui, bien évidemment, elle n'existe pas en tant que catégorie d'individu. Touche-à-Tout, c'est le pseudonyme d'un folliculaire à succès de l'époque. Le trombinoscope est très lu, repris par d'autres caricaturistes, sous la plume donc de ce Touche-à-Tout qui en réalité s'appelle Léon-Charles Bienvenu. Mais Bienvenu, c'est un mot qui ne convient pas pour ce qu'il fait. On comprend qu'il ait pris un autre prénom. Ça convenait mieux à un ingénieur fabricant le métro au début. C'était beaucoup mieux, effectivement. Et Touche-à-Tout n'a pas eu droit à une station de métro. Et de ce fait, il s'inscrit dans la lignée d'un Balzac qui conseille vivement dans Physiologie aussi du mariage que les belles-mères soient le plus loin possible du couple. Vous voulez du Balzac? Allez, qui je veux du pas. Balzac. Eh bien, vous allez en avoir. C'est un extrait du contrat de mariage, effectivement, de Balzac, lu par Jean Debucourt, de la Comédie française. C'est une lettre d'un ami, d'un gendre qui s'est fait plumer par sa belle-mère et par sa femme. C'est un extrait de Lecture du soir du 4 septembre 1954. J'ai fait causer ce l'écuyer. J'ai saisi dans ses mensonges, dans ses paroles et dans ses réticences les fils qui me manquaient pour faire apparaître la trame entière de la conspiration domestique ourdie contre toi. Ce soir, à l'ambassade d'Espagne, j'offrirai mes compliments d'admiration à ta belle-mère et à ta femme. Je ferai la cour à Madame Evangelista. Je t'abandonnerai lâchement, je te dirai d'adroites injures. Quelque chose de grossier serait trop tôt découvert par ce sublime mascarille en jupon. Comment l'as-tu mise contre toi? Voilà ce que je veux savoir. Si tu avais eu l'esprit d'être amoureux de cette femme avant d'épouser sa fille, tu serais aujourd'hui pair de France, duc de Manerville et ambassadeur à Madrid. Si tu m'avais appelé près de toi lors de ton mariage, je t'aurais aidé à connaître, à analyser les deux femmes avec lesquelles tu t'engageais. Et de ces observations faites en commun, il serait sorti quelques conseils utiles. N'étais-je pas le seul de tes amis en position de respecter ta femme ? Étais-je à craindre ? Après m'avoir jugé, ces deux femmes ont eu peur de moi et nous ont séparés. Si tu ne m'avais pas bêtement fait l'amour, elle ne t'aurait pas dévoré. Ta femme a bien aidé à notre refroidissement. Elle était serinée par sa mère, à qui elle écrivait deux lettres dans la semaine, et tu n'y as jamais pris garde. J'ai bien reconnu mon Paul quand j'ai lu ce détail. Dans un mois, je serai assez près de ta belle-mère pour apprendre d'elle la raison de la haine hispano-italienne qu'elle t'a vouée, à toi le meilleur des hommes du monde. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Il y a ici le thème annexe de la femme qui brouille son mari avec ses amis antérieurs, qui porte la mémoire d'une vie qu'elle n'a pas dominée. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, puisque nous parlons de la figure de la belle-mère, figure sociale, culturelle, littéraire, etc. Yannick Ripa. Oui, encore que éloigner tout autre homme que l'époux ou le gendre permet de dominer celui-ci et donc d'inverser la figure des rapports de sexe. D'ailleurs, on peut regretter que Balzac n'ait pas été jusqu'au bout d'un de ses projets, à savoir qu'il avait prévu de faire un livre sur les belles-mères. Il a débuté cet ouvrage dont j'ai vainement cherché des traces dans les archives balzacienne. Je n'ai pas du tout effacé cette ébauche de manuscrit. Peut-être qu'on va la retrouver un jour. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Appel à tous nos auditeurs. Voilà. On voit bien que dans ce projet, il inscrivait bien les femmes et les belles-mères dans cette condition humaine. Et il avait raison. Parce que au 19e siècle, le mariage sur lequel se penche à maintes reprises Balzac, du moins, surtout, dans le monde bourgeois, est d'abord un contrat financier, ce qu'on a appelé pendant plusieurs siècles un mariage de raison. Si, au final, c'est le père de la mariée qui va signer le contrat et que ce contrat a tellement d'importance que c'est le jour de la signature du contrat qu'on fait souvent un bal et non pas le jour du mariage, c'est la mère qui joue en quelque sorte le rôle d'entremetteuse qui prépare sa fille à accueillir le mari ou éventuellement, le mot qui me vient, c'est à le prendre à l'hameçon. Et c'est bien ce que dit Balzac, là, dans une finalité qui est à la limite de l'escroquerie. Tous les romanciers, d'ailleurs, décrivent des bals où la mère est fausse tapisserie. Oui, et observe avec elle observe une sorte d'appétit de qui de, sera de gourmandise familiale qui pourra mordre à ce hameçon-là. Et il y a même une caricature de Robida, qui est aussi un illustrateur très connu. Un grand talent. Qui montre une belle-mère qui est dans la mer et qui, on voit bien que c'est une future belle-mère. Alors là aussi, caricature, une grosse bonne femme, parce qu'il faut que la belle-mère ait perdu sa féminité élégante. Très grosse ou très très sèche. C'est ou l'un ou l'autre. Et quand elles sont grosses, elles sont plus humaines. Hein. Les plus sèches sont plus tirées du côté de la sorcière. Et cette belle-mère, elle a un très beau chapeau alors qu'elle est dans l'eau pour bien montrer que c'est elle la bourgeoise. Ses filles sont priées du haut d'un plongeoir de sauter dans l'eau pour trouver un mari. Et on voit une cohorte d'hommes arriver tels, effectivement, des poissons qui vont se faire se prendre à la leçon. Et on voit qu'ils ont une forme de virilité parce qu'ils portent tous moustaches, ce qui est une façon de montrer que ce sont des hommes, des vrais, comme on pouvait dire à l'époque. Et les filles ne veulent pas sauter et la mère dit « Mais allez-y, moi je me suis bien mise dans le bain pour vous tirer de cette situation, en gros pour vous caser », qui était quand même le mot employé. Et les romanciers montrent bien qu'il s'agit là de problèmes financiers parce que la position des femmes est telle à l'époque. Elles n'ont pas de métier. Lorsqu'elles travaillent dans les milieux populaires, elles ont un salaire d'appoint, donc de toute façon, elles ne peuvent pas vivre de leur travail. Et que le destin et la destinée des femmes, c'est de se marier. Et que le rôle de la mère, c'est de bien marier ses filles avec l'aval du père qui intervient au dernier moment. Nous parlions la semaine dernière de Jules Renard, Et on voyait bien comment il s'est sorti de la mouise oui. en épousant en effet une jeune femme et en même temps en épousant sa belle-mère. Voilà, il n'est pas le seul à avoir pris cette posture-là. Cet aspect financier des choses est important dans l'histoire des belles-mères comme figure sociale. Peut-être a-t-il perdu de son importance aujourd'hui, vous ne pensez pas ? Totalement. Il est important aussi à l'époque parce que le déséquilibre démographique qui existe font que souvent la belle-mère devient veuve et elle se retrouve dépendante du gendre et du couple. Et on le voit clairement au moment du divorce. Il est supprimé par la politique familialiste de la Restauration en 1816 et il est restauré par la Troisième République, par Naquet en 1884. Des caricatures de l'époque montre des belles-mères suppliant Naquet de ne pas faire passer cette loi parce qu'elles disent qu'est-ce qu'elles vont devenir. Et je pense que c'est pas simplement devenir au niveau social, disparaître en tant qu'identité sociale, mais aussi elles sont souvent à la charge du gendre et de leur propre fille. Alors qu'aujourd'hui, les belles-mères, d'abord sont belles-mères éventuellement tôt, si j'ose dire, parce que être belle-mère à 40 ans aujourd'hui, on n'est plus du tout vieille. On travaille encore, les femmes travaillent, elles ont une autonomie, elles n'attendent pas de leur gendre et de leur fille de subvenir à leurs besoins. Éventuellement, on sait que la situation économique est telle aujourd'hui que c'est souvent la génération des beaux-parents qui aide les jeunes à s'installer, à acheter un appartement. Et puis, cette belle-mère, elle a acquis une émancipation féminine qui fait qu'on a aujourd'hui deux figures de belle-mère antinomiques. D'ailleurs, je regardais l'autre jour le Parents mode d'emploi. Vous savez, cette émission de France 2 qui sépare le journal, le JT, des programmes qui suivent. On trouve exactement ces deux belles-mères dont l'une paraît enracinée dans le 19e siècle et l'autre, au contraire, dans la modernité. Ils ont même été jusqu'à leur faire deux figures physiques complètement différentes. Là, la belle-mère, qui est donc la mère de l'époux, elle a les cheveux gris, elle est obsédée par le ménage, elle est très mal habillée, elle porte une espèce de tenue de ménagère, ses anciennes blouses avec des petites fleurs, enfin complètement démodée. 1950, 1960. Voilà, et du coup, sa belle-fille la déteste, tandis que la mère de l'épouse a été une mauvaise mère, ne se fiche complètement du nouveau couple et est une caricature de ce que un certain nombre de gens probablement pensaient être la belle-mère ex-féministe des années MLF, qui s'intéresse qu'à son physique, qui de ce fait n'est pas non plus une bonne grand-mère, alors qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même là un énorme problème, c'est que c'est la même, la belle-mère haïe et la grand-mère, la bonne maman adorée. Oui, le passage de belle-maman, pour parler vulgairement, à bonne maman, est assez remarquable. D'un côté, image très négative, de l'autre, très positive. Très positive, et ça a l'air de poser aucun problème à personne. Les gens ne se demandent pas comment on peut articuler ces deux figures et comment les enfants peuvent-ils percevoir ou pas l'éventuelle détestation, à en croire un certain nombre de textes et d'actuelles blagues sur les belles-mères, la détestation qui existerait entre le couple de leurs parents et leur grand-mère, qu'ils adorent. Et on a là aussi la persistance de l'absence du beau-père, qui est quand même le grand-père, si je m'abuse. Vous avez raison d'insister sur la date de 1884, le divorce. Et sur l'angoisse que cela a pu créer dans un certain nombre de familles, chez un certain nombre d'ailleurs de maris ou de belles-mères, sur le risque que le mariage se brisant, tous les calculs qui ont été faits antérieurement et sur quoi se fonde l'organisation même de la cellule familiale, qu'en dépit de ces calculs, tout explose. On peut penser que tout peut exploser puisque la belle-mère était à la fois détestée et en même temps était aussi une conseillère, à la fois auprès de son fils ou à la fois auprès de sa fille, selon les cas, pour essayer que la relation continue de fonctionner. On voit même des couples, et notamment dans l'ouvrage, on voit un couple à l'époque révolutionnaire et à l'époque de l'Empire, où c'est le couple qui va être contre la mère et la belle-mère. Et en même temps, on voit que le mari pose des limites sur les postures qu'il autorise à son épouse, et aussi sur le fait qu'il existe une sorte de... Genre, le mot mot qui me vient, c'est sororité. On n'est pas dans l'ordre de la sororité, mais au prix au sens large, comme on dit fraternité quand on n'est pas des frères. Et notamment des liens entre femmes lorsqu'il s'agit de l'accouchement, de toute cette culture dite féminine et ce lieu réservé entre femmes. Mais dans le même temps, lorsque le divorce est restauré, court l'idée que l'une des responsables du divorce, ce serait cette pièce en trop que serait la belle-mère au sein du couple. Cette connivence potentielle, il faut lui faire aussi un sort. Il y a un cas que la politique rend très notoire au XIXe siècle, qui frappe beaucoup les imaginations, qui suscite beaucoup d'ironie, c'est celui de Monsieur Thiers, d'Adolphe Thiers, qui vit avec sa femme et avec sa belle-mère, Madame Dhaune et Mademoiselle Dhaune, devenue la femme de Thiers. Et chacun dit, il semble qu'historiquement ce ne soit pas absolument controuvé, qu'il était l'amant de l'une et de l'autre. Il aurait été d'abord l'amant de sa future belle-mère. Et donc, il épouse la fille de sa maîtresse et les mauvaises langues continue de dire que c'était un mariage à trois. Ce qui est intéressant au niveau des mentalités... Mais nous ne voulons pas faire du closer rétrospectif. Absolument pas. Nous en gardons. Mais nous sommes assez distanciés pour en tirer des conséquences historiographiques profondes. Mais ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que ça n'a pas gêné sa carrière et que dans le fond, on a une vision souvent très pudibonde du 19e siècle, oublieux d'ailleurs des pratiques, des maris qui allaient dans les maisons closes et tout le monde admettait cela. Et là, on voit que les caricaturistes, bien évidemment, s'en emparent. C'est du pain béni pour des caricaturistes de dire que Thiers entretient une liaison avec sa belle-mère qui était sa maîtresse auparavant, et de l'en même temps, ça n'aboutit pas à un scandale au plus haut sommet de l'État, ce qui tente à prouver que, dans le fond, est-ce que la virilité de Thiers, qui est un homme de pouvoir, est-ce que le terme puissance viril qui peut être pris dans tous les sens polysémiques du terme, est-ce que, dans le fond, il prouvait pas que, vraiment, il était un homme puissant en d'autres termes là aussi, vulgaire au sens premier, il en avait. Oui, il en avait, et puis d'autres craignent de n'en pas avoir, apparemment. Plus exactement qu'on croit qu'il n'en est pas, pour rester dans votre formulation. Et cette crainte de perdre sa situation d'homme est vraiment constante. On la retrouve également chez Zola, le fameux roman Thérèse Raquin, qui a été mis au cinéma par Marcel Carné, un très beau film en 1953. Et on trouve le fils interprété par l'assez faible psychologiquement, pas comme comédien, l'assez faible Jacques Duby, pris entre sa belle-mère Sylvie et Simone Signoret, encore elle, et qui prévoit d'emmener sa femme pour la tenir, elle a pris un amant, l'emmener dans la capitale. Un camionneur, non mais de quoi j'aurais l'air? Et un étranger en plus, on sait même pas d'où ça vient, ça tutoie tout le monde. Thérèse, dis-moi que c'est pas sérieux. Tu peux pas oublier tout ce qu'on a dépensé pour ton éducation, ta nourriture et le reste. Thérèse, tu veux des gifles? Si tu t'en vas, qu'est-ce que tu veux que je devienne? Thérèse, on était si heureux. Mais moi, j'étais pas heureuse. Toi. Alors, il y a que toi qui compte. As-tu songé que si je te tuais, je serais acquitté? Et lui aussi, je pourrais le tuer. C'est dans mon droit. Écoute. L'amour comme ça, tout d'un coup, c'est pas l'amour, c'est un coup de sang. Tiens, j'ai une idée. Je te propose qu'on parte ensemble quelques jours pour Paris. Par Grivet, j'aurai deux permis gratuits. On irait loger à Chatou chez tante Henriette et on garderait notre argent pour le théâtre, le superflu. Pauvre Camille, c'est pas trois jours à Chatou qui changeront quelque chose. Et je te jure aussi qu'après, si tu veux encore me quitter, eh bien, je te demande seulement trois jours, pas plus. Maman. Alors, mes enfants, on ne déjeune pas aujourd'hui? On t'attendait. C'est pas dans mes habitudes de poser des questions. Pourtant, je m'étonne que tu ne me racontes rien. Thérèse et moi, nous partons demain pour Paris. Pour faire plaisir à Thérèse, sans doute. Quand moi, ta mère, j'ai des vertiges. Et que mes vieilles jambes vont de plus en plus mal. Je ne peux rien dire. Mais il se passe quelque chose de très grave. Je ne veux pas m'en mêler, bien sûr. Pourtant, une fois, les regarder ensemble, l'idée m'est venue que nous étions imprudents. Une fille qui nous doit tout, ça ne me regarde pas, remarque. Je te trouve trop indulgent avec elle. Trop indulgent. Tu sais ce que j'ai décidé? Je la conduis chez tante Henriette. Et je la boucle. Pas de lettres, pas de téléphone. Et pas un sou. Avec moi, elle va apprendre ce que c'est qu'un mari. Apprendre ce que c'est qu'un mari. Nous y voilà, Yannick Ripa. Nous y voilà totalement, oui. Et on voit bien aussi que cette figure du mari peut être soit renforcée par sa propre mère. On voit dans cet extrait sa mère qui dit « je ne m'en mêle pas, mais elle s'en mêle tout le temps. Je ne voudrais pas dire, mais je dis ». Elle est là pour renforcer la puissance de son fils parce que cette puissance rejaillit sur elle au détriment de sa belle-fille. Et il est tout à fait intéressant, au-delà de ces représentations, même si cette littérature est une littérature naturaliste, d'aller se plonger dans des sources que nous appelons primaires, que ce soit les procès pour criminalité, c'est-à-dire le gendre qui a éventuellement tué sa belle-mère, ou l'inverse, beaucoup plus rare, ou bien de regarder les procès pour divorce. Et ils sont d'autant plus intéressants qu'ils nous permettent d'atteindre une couche de la population qui écrit très peu. Les récits de vie sont essentiellement des récits de la bourgeoisie. Et en étant allés regarder ces archives-là, cela permet de voir... D'une part, si il est vrai que l'une des causes de divorce, c'est la présence de la belle-mère, voire de la belle-famille, et si, au contraire, cette belle-mère intervient pas ou peu dans les discordes. Vous avez raison d'évoquer le monde paysan, par exemple, où la cohabitation dans la maison partagée de la belle-mère et de la bru, parfois même de la génération antérieure, pose souvent, à cause de la proximité immédiate et quotidienne, des problèmes psychologiques et affectifs graves. Cela pose des problèmes psychologiques et affectifs graves, mais, du moins dans les archives que j'ai pu regarder, ce n'est pas la cause de divorce. La cause de divorce, elle intervient quand la famille élargie s'est disloquée et que, au contraire, le couple veut être entre soi et que le mari n'accepte plus la présence de la belle-mère ou aussi que la bru n'accepte plus la présence de la belle-mère. Alors on voit, c'est assez fréquent dans le sud de la France, où on voit une épouse demander à son mari de déménager pour mettre de la distance entre sa belle-famille et elle. En fait, c'est le mari n'accepte pas du tout. Maman. Voilà, maman. C'est pas lui qui décide, puisque par le code civil, il dit que le mari décide du lieu du domicile conjugal. Donc, c'est déjà grignoté aussi son pouvoir. Par contre, on voit intervenir dans les divorces la mère de l'épouse dans des cas extrêmes. Il y a un déséquilibre des causes de divorce qui est incroyable à nos yeux. C'est-à-dire qu'on voit la mère de l'époux intervenir pour dire « ma bru ne fait pas bien à manger, elle ne tient pas bien le ménage ». Les enfants, ça a l'air assez anodin dans les milieux ruraux. Les enfants sont très peu mis en avant comme cause de divorce si la belle-fille s'en occupe pas correctement au lieu de la belle-mère. Alors qu'ils émergeront largement dans la période récente. Plus tardivement. Par contre, le motif qui est avancé par l'épouse pour divorcer, appuyé par sa propre mère, c'est la violence du mari, ce qui n'est quand même pas du tout le même degré de reproche. Et on voit les mères d'épouses monter au créneau et aller jusqu'à la justice parce que l'époux tape violemment leur fille. Et quand je dis tape, on est dans du milieu rural, c'est-à-dire que la pelle n'est pas loin, le marteau n'est pas loin, et qu'il y a une violence extrême, et que cette violence, le mari la trouve légitime par une application très stricte et subjective du code civil qui disait que le mari pouvait avoir recours à la violence dans une certaine limite. Dans une certaine limite, c'est ce qu'on appelle l'article sanglant. Cet article est redoutable, parce que c'est quoi la limite? Et il y a aussi un autre article qu'on a presque envie de dire savoureux, avec humour, ou du moins ironie, puisqu'il est dit que si une épouse tue son mari et sa maîtresse, elle est coupable de meurtre, et donc elle va être très sévèrement punie, ça peut même être jusqu'à la mort, alors que lui, s'il fait exactement la même chose, eh bien il est excusable parce qu'il est plus malheureux que coupable. Article 324 du Code pénal, de l'époque. De l'époque. Il est abrogé, non ? La grande réforme du Code pénal, c'est 1938. Et on peut quand même se demander si la conscience collective, et notamment masculine, n'a pas intégré ce dimorphisme très fort entre les deux sexes, ne serait pas responsable encore de la violence qui sévit contre les épouses à l'heure actuelle, où les épouses meurent sous les coups de leur conjoint, comme on le sait malheureusement. Eh bien, il faut que nous terminions cette conversation, Yannick Ripin, en nous interrogeant sur, nous y sommes accoutumés, en nous interrogeant sur ce qu'il peut y avoir de rupture avec notre époque contemporaine et au contraire de continuité. En quoi, en particulier, la situation de la belle-mère dans les fantasmagories ou dans les imaginaires collectifs peut témoigner d'une perpétuation de la domination de la femme par l'homme? Alors je crois que la continuité entre hier et aujourd'hui, ce sont les a priori qui sont aussi bien d'ailleurs présents chez le futur Jean que chez la future Bru. Jean emploie le mot Bru pour que les choses soient plus claires, mais c'est bien que ce mot était négatif, donc il a disparu, on dit belle-fille, mais oh, un Bru permet de ne pas tout mélanger. Donc il y a cette continuité d'a priori, de crainte, d'idées dans le jeune couple, et alors là, dans une très grande égalité des sexes, qu'il faut empêcher l'invasion de la belle-mère, alors qu'on parle pas d'invasion du beau-père, hein, qui fort heureusement maintenant est toujours le trois quarts du temps en vie, puisque l'équilibre démographique s'est un peu rapproché. Fort heureusement. Fort heureusement. Il y a à la fois une modification, la belle-mère n'est plus cette horreur, elle peut être une très belle femme, mais on voit dans Belle-mère, avec Catherine Deneuve, que la belle-mère, qui est une belle femme séduisante, elle aboutit quand même à séduire son gendre, et donc être dans la posture la plus horrible qu'on peut imaginer pour une mère, qui est, comme on dit, de piquer à sa propre fille son mari. Donc ce qui est une figure affreusement négative également. Alors que lorsque Victor Hugo, dans les années 1830, piquait, comme vous dites, Yannick Ripin, la maîtresse de son fils, cela constituait pour beaucoup d'hommes mûrs un sujet de satisfaction plus que d'ironie. Oui, parce que c'était un grand homme qui prouvait toujours qu'il était un homme plus séduisant que séducteur, parce que séducteur est négatif, est un dérivé de tromper. Par contre, ce qui change aujourd'hui, c'est toutes les recompositions de famille qui fait qu'on n'a souvent pas dans sa vie qu'une seule belle-mère et que le trio qui aboutissait à avoir un déséquilibre de sexe, on dirait aujourd'hui de genre, c'est-à-dire deux femmes et un homme ou inversement, à l'heure actuelle, les mariages d'un même sexe aboutissent à éventuellement avoir quatre femmes entre elles dans les couples lesbiens, deux belles-mères, deux épouses. Donc on est vers une autre histoire qui sera, je crois, tout à fait intéressante de voir sous nos yeux modulée, de voir comment les idées reçues vont être bousculées ou s'adapter à des temps nouveaux. Sur cette évolution, une dernière archive, si vous le voulez bien. Je l'emprunte à France Inter, le 14 mai 2000. C'est une chronique d'un collaborateur italien, Ruggero De Pass, l'école des belles-mères qui paraît fleurir dans la péninsule à ce moment-là. Je veux vous faire allusion aux dangers qui guettent le couple en Italie. Par exemple, quand on dit que l'autre femme serait la responsable des 3 séparations sur 10, il ne s'agit pas de la maîtresse d'une rivale, mais de la suocera, la belle-mère. Oh ben ça, c'est universel. C'est statistique. Eh bien, en Italie, ça va de pire en pire. Ces statistiques reflètent une réalité inquiétante confirmée par un groupe d'avocats qui ont mené l'enquête dans toute l'Italie. Une situation qui a donné l'idée à des psychologues, à des sociologues, d'inviter les belles-mères, mais aussi les jeunes mariés, à suivre des cours pour éviter les erreurs qui peuvent amener à la catastrophe. Et voilà qu'une école des belles-mères vient de s'ouvrir à Reggio Emilia, pas loin de Bologne, dans le centre nord du pays. Les profs y enseignent les bonnes manières pour éviter que la maman, figure emblématique et toujours toute puissante, même après les mariages de ses enfants, empiète sur la vie du couple et empoisonne les quotidiens du jeune ménage. Selon les statistiques, le moment le plus critique, la crise, disons, s'est produit à la 7e année du mariage, lorsque l'épouse craque et accuse le mari de lui préférer sa mère. Et la plupart des fois, d'ailleurs, elle ne se trompe pas, puisque le fils se retourne effectivement chez sa maman adorée. Alors, pour commencer, pour éviter les conflits, il faut respecter les 10 commandements de cette école des belles-mères. Ne dis pas à ton fils qu'il a mauvaise mine en présence de son épouse. N'accepte pas les clés de leur maison. S'il se dispute devant toi, tais-toi. Ne donne jamais de conseils sans qu'on te les demande. N'humilie pas ta belle-fille avec tes bons petits plats. Ne fais pas des remarques sur l'éducation des enfants, etc., etc. C'est marrant. Et les 10 commandements des belles-filles, alors? Il suffit qu'elles se souviennent tout simplement qu'un jour, elles deviendront belles-mères à leur tour. Mais si nécessaire, il est bon de déménager le plus loin possible, Fabienne. Le plus loin possible. Le plus loin possible. J'ai choisi cette archive pour éviter que nous restions trop gallocentriques. Mais il y a peut-être aussi des stéréotypes quant à la mamma italienne. Mais pourtant, la journaliste française parle d'universalité. Oui, ce qui prouve bien qu'on est là face à une figure qui nécessite que les historiens et les historiennes se penchent dessus, parce que c'est rare, les invariants historiques. Et en même temps, on voit bien que c'est véhiculé par des stéréotypes qui n'ont peut-être pas de réalité, si ce n'est une histoire des représentations et des sensibilités. Mais c'est vrai que cette archive est à la fois drôle et en même temps consternante, parce que... En 2000, elle renvoie mot à mot, pour les Brus, au discours et au proverbe tenu en Mésopotamie du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, qui est quand même extrêmement étonnant. Et puis on a envie de se dire que c'est pas drôle d'être une belle-mère si le jour où vous avez le plaisir de voir votre fils ou votre fille épouser quelqu'un pour, du moins on l'espère, son bonheur, d'un seul coup vous devenez quelqu'un de complètement négatif qui doit faire attention à tout et finalement se taire, ce qui est une forme, une fois de plus, de domination masculine, parce que comme vous avez pu constater, cette école des belles-mères, elle n'a pas été initiée par des femmes mais par des hommes. Je n'ai pas fait d'enquête, Yannick Ripa, pour savoir si cette école avait prospéré et quel était son destin contemporain. Nous resterons donc sur cette incertitude et sur ce point d'interrogation. Je rappelle le titre du livre que vous avez organisé, qui s'intitule « L'étonnante histoire des belles-mères », publié aux éditions Belin. Je suis heureux aussi de signaler que est paru avant-hier, vous voyez à quel point nous sommes dans l'actualité bibliographique, est paru avant-hier un livre qui s'appelle « Les femmes dans la société, une histoire d'idées reçues » aux éditions du Cavalier Bleu. Cet ouvrage montre que les idées reçues ont la capacité d'évoluer, c'est-à-dire que la domination masculine stricto sensu reculant et les rapports des sexes évoluant, au lieu que les idées reçues meurent avec, elles évoluent et d'autres idées reçues surgissent, notamment autour du genre, qui serait soi-disant une théorie qui aboutirait à ce qu'il n'y ait plus de différence entre les hommes et les femmes, ce qui là est pour le coup une idée reçue. Les études de genre sont quelque chose de très sérieux, de très scientifique et qui ne prétendent absolument pas à cela. Samedi prochain, nous reviendrons à une actualité plus prégnante puisque nous parlerons de l'apocalypse au XVIe siècle, avec comme sous-titre de l'émission « Des feux contemporains ». Et je recevrai pour en parler l'historien Denis Crouzet. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guérou, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Jacques Hubert, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain et Aude Vassan pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères.